Ben, ça me paraissait utile de partager votre point de vue auprès de nos auditeurs, eux-mêmes spectateurs, je l'espère, pour les deux représentations qui sont programmées à l'Apostrophe, Théâtre des Louvrets à Pontoise, les vendredis 18 et samedi 19 décembre prochain à 20h30. Un grand merci à vous, Johan Bourgeois. Merci beaucoup. Merci. L'Apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Ainsi s'achève notre émission. Pour toute information et toute réservation concernant les spectacles qui vous ont été présentés à l'occasion de cette émission et pour découvrir la programmation complète de cette saison 2015-2016 à l'Apostrophe, je vous propose de composer le 01 34 20 14 14, le 01 34 20 14 14, ou bien encore sur internet au www.l'apostrophe, tout attaché en un seul mot, l'apostrophe.net. Remerciements à tous nos invités, ainsi qu'à Arnaud Vasseur qui m'a aidé à préparer cette émission, et à Damien Gissa qui a réalisé sur le plan technique cette émission. Cette émission, animée par votre serviteur et animateur José Guérin, sera rediffusée samedi 12 décembre de 9h à 10h sur RGB, sur le 99.2 FM, ainsi que sur le site internet de la radio www.radio-rgb.net, puis disponible en podcast à cette même adresse internet. Pour le prochain numéro de l'Apostrophe, l'émission, rendez-vous après la trêve des confiseurs pour la rentrée pour l'année 2016, précisément le mercredi 13 janvier 2016 de 19 à 20h. D'ici là, au plaisir de vous retrouver à l'Apostrophe à Cergy-Pontoise et bien sûr sur votre antenne de radio locale en direct de Cergy-Pontoise sur RGB. Bonne fête de fin d'année, à bientôt, à l'année prochaine. L'Apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par L'Apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2.